Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions diffusées en septembre 2016 autour d'une question: que fait la police? Aujourd'hui, métaphysique du roman policier par Siegfried Krakauer. Que fait la police dans les romans policiers? Non pas dans la rue, ni dans les manifestations ou au poste, mais dans les histoires qui mettent en scène des agents chargés d'enquêter sur des crimes. Quelle différence y a-t-il alors avec le détective? Et en quoi le suspense lié à l'action du roman a-t-il une portée métaphysique? Cette métaphysique du roman policier, c'est Siegfried Krakauer qui la propose, et elle est à prendre au sérieux. Et si le roman policier comme genre était transposable au domaine philosophique? Et si la critique de la raison pure de Kant pouvait être lue comme on dévore un roman policier, avec ses crimes, ses victimes et son dénouement? Réponse aujourd'hui en compagnie de la philosophe Michel Cohen-Halimi. Que fait la police dans les romans policiers? Non pas dans la rue, dans les manifestations ou au poste, mais dans les histoires qui mettent en scène des agents chargés d'enquêter sur des crimes. Quelle différence y a-t-il alors avec le détective? Et en quoi le suspense lié à l'action du roman a-t-il une portée métaphysique? Cette métaphysique du roman policier, c'est Siegfried Krakauer qui la propose, et elle est à prendre au sérieux. Et si le roman policier comme genre était transposable au domaine philosophique? Et si la critique de la raison pure de Kant pouvait être lue comme on dévore un roman policier, avec ses crimes, ses victimes et son dénouement? C'est aujourd'hui Michel Cohen-Halimi, maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Ouest Nanterre et spécialiste de philosophie allemande, qui vient jouer pour vous le rôle de détective philosophique. Bonjour à vous. Bonjour. Ce qui unit les romans d'auteurs comme Conan Doyle, Gaboriau, Maurice Leblanc, Sven Helvestad et Paul Rosenhain, et les caractérise tous, est l'idée dont ils témoignent et qui réside à leur production. L'idée de la société civilisée parfaitement rationalisée. Idée qu'ils comprennent d'un point de vue radicalement unilatéral et qu'ils incarnent sous une forme stylisée par la réfraction esthétique. Ce dont il s'agit dans ces romans n'est pas la reproduction fidèle de cette réalité qu'on appelle civilisation, mais bien plutôt, et dès le début, l'accentuation du caractère intellectualiste de cette réalité. Il présente au caractère civilisateur une glace déformante, d'où le regarde fixement la caricature de sa propre monstruosité. L'image qu'il présente est assez effrayante. Elle montre un état de la société où l'intellect sans attache a conquis sa victoire finale. Une coexistence et une confusion purement extérieure des personnes et des choses qui paraissent ternes et déconcertantes parce qu'elles défigurent jusqu'à la caricature la réalité artificiellement éliminée. Au caractère international de cette société que vise le roman policier correspond son domaine d'application internationale. À son uniformité dans les différents pays correspond l'indépendance de sa structure par rapport aux particularités nationales. Michel Cohen-Halimi, on va l'entendre le début du texte, donc le roman policier de Siegfried Krakauer, qui a été rédigé autour de 1925, publié beaucoup plus tard, et qui, dans ce texte, dès les premières lignes, annonce le projet qu'est le sien, à savoir que s'intéresser au roman policier pour lui n'est pas une coquetterie ou une manière de se divertir de réflexions beaucoup plus importantes. Au contraire, dit-il, les auteurs de romans policiers présentent au caractère civilisateur une glace déformante d'où le regarde fixement la caricature de sa propre monstruosité. C'est dire combien ce genre qu'est le roman policier est pour lui essentiel pour réfléchir sur l'époque dans laquelle il se trouve. Oui, absolument. Ce qui me semble important de dire, c'est que ce texte donc de Krakauer, intégralement rédigé entre 22 et 25, a un sous-titre qui est « Traité de philosophie ». Enfin, le sous-titre de Krakauer, semble-t-il, était une interprétation. Et il est multidimensionnel. Il a une dimension métaphysique, il a une dimension sociologique, et il a une dimension, disons, qui relève de la grande tradition allemande de la Kulturkritik, c'est-à-dire, dans le fond, de l'appréhension des transformations, des symptômes de la civilisation moderne. Et ce qui est très important, donc, c'est que cette génération dont Krakauer fait partie a été très marquée par le livre de Lukács, Théorie du roman, 1916, publié en revue en 1916 et en livre en 1920 à Berlin. Et donc déjà le roman est un genre mélancolique. Le roman, en fait, manifeste dans la formation hegelienne de Lukács, marxiste aussi, le roman manifeste dans le fond la destruction, la déliaison de notre communauté, l'atomisation, une rationalisation à outrance. Donc c'est un genre mélancolique, et le roman policier, qui est quand même un genre romanesque qui surgit dans ces années-là. Alors il y a toute une histoire sur laquelle on pourra peut-être revenir, mais qui est le premier, disons, pour Krakauer, c'est Edgar Poe. Mm-hmm. Mais le terme de détective surgissant après Edgar Poe, dans le fond, il va y avoir une assignation rétrospective de l'invention du roman policier par Edgar Poe. Mais ce qui me semble important, indépendamment de la généalogie et du surgissement, c'est un genre nouveau, et que Krakauer appréhende comme révélateur des mutations de notre société moderne, laquelle société moderne est, dans le fond, déterminée par un certain type de rationalité scientifique. Et donc c'est cette analyse que conduit Krakauer. Donc à la fois une dimension métaphysique sur la rationalité, la transformation de la rationalité moderne, et du coup le lien avec les lectures et les transformations des lectures de la critique de la raison pure dans le post-kantisme, disons au sens large. Krakauer dit à un moment l'idéalisme transcendantal a été aplati de Fichte au néo-kantisme. Donc cet aplatissement, ce terme de unidimensionnel qu'on attache souvent à Marcuse est dans le texte. Donc une rationalité qui quadrille notre expérience, qui la soumet aux schèmes catégoriaux de notre entendement et qui se refuse l'accès à l'inconnu. Ça, c'est la dimension métaphysique. Voilà, mais il y a deux clés donc pour comprendre ce texte. D'un côté, la dimension métaphysique qui propose une certaine lecture de, non pas tellement de Kant d'ailleurs, mais de ce qu'on appelle le néo-kantisme par la suite, du post-kantisme, voilà, au sens large. Et de l'autre, vous avez prononcé le terme plusieurs fois, celui de la rationalisation de la société telle qu'elle est exprimée à travers les romans. C'est vraiment ces deux clés de lecture qu'il faut avoir en main pour aborder ce texte sur le roman policier. Absolument. Alors si on prend ce kantisme, disons, aplati selon Krakauer par une tradition au sens large post-kantienne, il s'agit d'un certain néo-kantisme, Lask, Émile Lask est cité dans le texte, il me semble que dans le fond la thèse ou ce que Krakauer nomme le coup d'état de la critique de la raison pure, c'est la révolution copernicienne. Et la révolution copernicienne dans sa version aplatie, c'est dans le fond qu'on consiste à poser la thèse suivante, qui est que la structure a priori des objets apparaissants, c'est-à-dire des phénomènes, est entièrement soumise aux structures invariantes de notre faculté de juger. Du coup, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas d'au-delà de cette expérience quadrillée, et donc le monde se ferme sur une rationalité qui en fait se donne une expérience qu'elle pré-comprend. Et ça, Krakauer, toujours dans la lignée des inventions de Lukács et des réflexions de Lukács, appelle cette rationalité scientifique, marquée par la mutation du kantisme et de l'intelligence de la révolution copernicienne, il appelle ça la ratio. Voilà, mais tout à fait, le terme de ratio est très important parce qu'il revient pratiquement à chaque page du texte sur le roman policier, mais précisons quand même dès à présent que la lecture de Kant que vous venez de résumer, qui est celle que font les néo-kantiens, est quand même réductrice, c'est-à-dire que Kant, lui, ne pense pas que tout est absolument rationalisable et que tout, disons que tout peut être délimité par le champ de la connaissance. Au contraire, il distingue bien le jugement déterminant du jugement réfléchissant, le premier étant de ramener l'inconnu vers le connu et l'autre étant exactement l'inverse. Absolument, mais disons que quand Krakauer dit l'idéalisme transcendantal a été aplati, il n'impute pas à Kant la responsabilité du devenir ratio de la raison. Il note que dans le fond, si on dit les choses rapidement, que la question de la constitution à partir de la table catégoriale s'est substituée à la table des principes, à la question de l'usage régulateur de la raison, et que c'est ce durcissement-là vers le constituant et non plus vers le régulateur, le congé donné à toute la question de la chose en soi, ce qu'elle ouvre, ce qu'elle permet de penser, et donc dans le fond à la question de la métaphysique. Mmh. Et là on est bien quand même dans une histoire du post-kantisme qui nous conduit de Lask à une certaine phénoménologie, à la destruction d'une métaphysique de la finitude et au retour de l'ontologie. Et on est dans cette trajectoire. Et la réduction de la raison à ce qu'on appelle le ratio, donc la ratio, c'est-à-dire quelque chose, une simple faculté de calcul. Absolument. C'est soumettre, dans le fond, l'expérience et même plus loin, la possibilité même de l'expérience à la grille catégoriale, à la morphologie catégoriale de l'entendement, qui de ce fait ne comprendra que ce qu'il peut comprendre. Et donc, en quoi est-ce que cette lecture-là est déterminante pour comprendre l'approche de Krakauer du roman policier ? Le roman policier surgit dès lors qu'on comprend que c'est un exercice de jugement, d'observation et de résolution d'une énigme, donc de quelque chose d'inconnu qui a surgi dans l'expérience. Alors la résolution peut se produire à partir d'une grille interprétative invariante, et là on aurait la figure du policier. Elle peut se produire à partir justement alors d'une tension, d'une attention aux indices, aux choses insignifiantes que le policier va négliger, ou au contraire aux choses, alors on peut penser à la lettre volée d'Edgar Poe, aux choses trop évidentes. Les choses trop évidentes, le chevalier Dupin les évoque et fait rire le commissaire de police. Trop évident, dit-il, et il se mit à rire. La lettre est au centre de la table et personne ne la voit. Donc il y a dans le fond deux formes d'intelligence possibles. Et le détective est habité par cette tension. En réalité, et ça Adorno dira sa dette à Krakauer, il y a une forme de dialectique de la raison. Je crois qu'il ne faut pas trop durcir la figure du détective, elle est habitée elle-même par cette tension. Le détective peut être policier, et il peut devenir policier dans certains romans, mais le détective peut aussi être habité par cette tension qui donne une présence à l'inconnu, une possibilité dans le fond de convoquer l'imagination, l'inventivité de l'intelligence et de la raison, l'usage régulateur des idées, pour ouvrir un horizon de sens qui ne se plie pas à la grille préinterprétative de l'entendement. Les obligations imposées à la police traduisent une servitude qui distingue son activité de celle du détective, même lorsqu'elle poursuit la même fin. À la recherche du criminel, elle procède rationnellement, en employant tous les moyens légaux, mais d'emblée dans le seul cadre des possibilités qui lui sont données, alors que le détective représente la ratio sans réserve. Tout au plus, celle-ci peut-elle se plier aux méthodes légales ? Dans le premier cas, c'est l'a priori de l'intérêt social qui tient les rênes de l'intellect sans lui laisser entièrement libre cours. Dans le second cas, c'est le libre jeu de l'intellect lui-même dont l'autorité n'accepte assurément pas d'être purement et simplement soumise aux fins de la société. Le fait que la police ne représente pas la souveraineté de l'intellect, mais se plie à des normes qui ne découlent pas directement de lui, mais en premier lieu des besoins d'un bon fonctionnement légal, ce fait est démontré à la fois par le pouvoir que lui confère la société protégée par ses normes et qui fait autorité, et par la forme d'organisation qu'elle peut prendre dans la société. Née des besoins sociaux eux-mêmes, elle prend la forme d'un service public dont dépend même le détective qui, en tant que représentant de la raison non limitée par la légalité, ne peut produire de lui-même cet appareil que seule la société peut garantir et qui s'étend des patrouilles nocturnes au système anthropométrique de Bertillon. Vous avez entretenu une amitié avec Sir Charles, mais vous avez découvert ses problèmes cardiaques. Vous avez donc décidé d'exploiter la superstition attachée au Baskerville. Vous vous êtes procuré le plus féroce des chiens, le plus effrayant. Vous l'avez dressé, brutalisé, en attendant votre chance. Mais votre chance tardait à venir. Un vieil homme ne se promène pas dans la lande en pleine nuit, n'est-ce pas ? Vous aviez besoin d'une femme ravissante comme appât. Une fois sous son charme, c'était facile. Facile ? Facile ? Vous croyez que tout cela était facile ? Ce chien, comment pouvais-je le contrôler ? Avec ceci. Un son que vous avez su reproduire le soir où la créature s'est jetée sur la fenêtre. Veuillez m'excuser. Un effet spectaculaire, vous en conviendrez. Monsieur Charles a tout entendu. Maintenant, il sait ce qu'il risque. Dès que ces lettres seront en ma possession, je ne vais pas manquer de faire certains rapprochements. La nuit se passe dans l'angoisse, et au petit jour, Gérard et Cécile profitent de l'absence de la concierge pour passer devant la loge sans être vus. Il vous faut agir. Vous êtes pleinement conscient du danger. Il s'agit pour vous d'une question de vie ou de mort. Vous suivez Cécile. Vous ne pensez qu'à une chose, lui arracher son sac. Ce sac qui contient ces lettres si compromettantes pour vous. Pas de chance dans l'autobus, pas de chance dans le métro. Qu'est-ce qui pourra désormais vous sauver ? L'heure. Je viens d'arriver, mais le temps joue contre vous. Les affaires urgentes expédiées, je vais recevoir Cécile. Il faut agir. Vous pouvez vous adresser directement à elle. C'est alors que vous avez un coup de chance. Un gars du milieu que vous connaissez. Écoute, il y a dans l'antichambre une fille qui ne doit pas voir le commissaire Maigret. Elle te connaît pas. Tâche de la mettre dans le couloir qui mène au palais de justice. Va ! Ce couloir d'Henri Mont le connaît aussi bien que nous. Et c'est là qu'il va attendre Cécile après avoir fait le tour du palais. Je sais que j'ai raison. Que cherchait d'Henri Mont dans la chambre de Juliette ? Une lettre. Une lettre qu'il n'a pas trouvée dans le sac de Cécile. Et pourtant, cette lettre existe. Cette lettre, elle l'a certainement cachée dans un endroit où il ne pouvait pas la trouver. Quelqu'un de la famille la détient sûrement à son insu. Mais qui ? Des avantages, des exemples pour faire bien plus qu'illustrer ce que Krakauer dit, mais vraiment le mettre en scène. D'un côté, donc Sherlock Holmes, le détective, qui procède par indices, c'est-à-dire dans l'extrait qu'on a entendu, l'extrait du téléfilm sur les chiens des Baskerville, et bien à partir d'un élément insignifiant, un sifflet, parvient à déduire l'action qui a été celle de celui qu'il soupçonne, et donc à imaginer toute la suite de l'histoire. Et de l'autre, un extrait du commissaire Maigret, quel lapsus, qui lui, au contraire, va proposer tout un raisonnement déductif sans vraiment parvenir à élucider le mystère. Et c'est la distinction que fait Krakauer dans le texte, l'extrait que j'ai lu juste avant, d'un côté peut-être détective du côté de l'imagination, le commissaire du côté de l'entendement, pour reprendre des thèmes qu'anciens, Michel Connalimi. Oui, absolument, mais je pense que il faut pas trop hypostasier, je pense qu'il y a une dialectique interne, et la traduction de Rochlitz, de Geneviève Rainer Rochlitz, est excellente, mais il y a un terme dans le fond qui est quand même difficile à traduire et qui porte ce mouvement dialectique d'une raison qui devient ratio, qui ne fait que calculer, déduire et qui laisse échapper tout ce qui est irréductible à sa grille préinterprétative, et une intelligence, disons, imaginative, qui appréhende l'inconnu, qui se rend disponible à l'inconnu. Le terme allemand, c'est Spannung. Alors la Spannung, c'est cette tension qui est suscitée par l'inconnu, par l'énigme, par le mystère dans nos existences. Et qui constitue même la force propre de nos existences humaines. C'est aussi le suspense. Ça, ouais, bah voilà. Spannung, dans le roman policier, ça peut alors là aussi s'aplatir, pour reprendre le terme de tout à l'heure de Krakauer, s'aplatir en un suspense policier. Et un suspense policier qui travaille à quoi ? L'Entspannung, à la détente. Donc on perd complètement la tension existentielle, on est accaparé par un jeu de déduction, de calcul qui peut être vide de sens, vain, et en plus improductif, stérile, la police, ou au contraire productif, mais au sens alors, pour Krakauer, c'est là la double face du détective, il y a le détective policier, puis il y a le détective qui restaure cette tension, c'est-à-dire le lien de nos existences avec l'inconnu, et c'est là que dans le livre, qui a vraiment cette dimension métaphysique de part en part, Kierkegaard intervient avec ces trois sphères, esthétique, éthique et religieuse, parce que il y a le potentiel d'une restauration de l'intégrité de l'existence par une réarticulation à la dimension d'inconnu qui lui est essentielle. Alors, voilà, essayons de reprendre ça, parce que c'est très important ce que vous venez de dire. D'un côté, il y a l'affiliation de Krakauer, on l'a dit, qui s'inscrit dans l'héritage kantien, mais aussi de Walter Benjamin, sur l'attention portée à certains symptômes culturels pour comprendre le monde. Et de l'autre, et c'est ça qui est très surprenant dans ce texte qu'est le roman policier, le surgissement de Kierkegaard, de sa conception de l'existence à partir de trois sphères, dont le passage de l'un à l'autre est extrêmement difficile, et qui du coup donne à ce texte une tonalité proprement théologique. C'est ça qui est très surprenant, Michel Connalimi. Oui, alors je pense que Kierkegaard est un auteur extrêmement important pour ses auteurs. Le premier livre d'Adorno, qui paraît en 1933, est un texte consacré à Kierkegaard. Mais la méthode n'est pas la même. La méthode n'est pas la même. Mais ce qui me semble important, c'est que précisément, Krakauer analyse le moment du surgissement du roman policier. Il sera ensuite question de sa mutation, en tant qu'elle nous dit encore quelque chose de plus inquiétant sur nos sociétés modernes. Mais le roman policier au sens de détective roman en allemand, parce qu'il y a criminal roman aussi, détective roman, ça met le détective en position de médiateur. Il est sur la sphère éthique. Il est entre l'infralégal, le crime, le forfait, et le supralégal. Donc la loi qu'il porte est en tension. Et si on perd cette tension, alors cette tension perdue qui, par la loi, dans le fond, vient réagencer, remettre un peu d'ordre dans l'infralégal, c'est le policier. Donc quand on perd la tension médiatrice, qui aussi, il faut le noter, est une médiation éthique, eh bien on perd justement toute l'intégrité existentielle qui fait que nos existences ne trouvent leur plénitude que d'être articulées à une forme, à une dimension de mystère, d'inconnu, qui est la religiosité. Et là, toujours cette dialectique, c'est-à-dire que le détective peut aussi être celui qui transforme la ratio en un objet de liturgie. Ce qui se substitue à l'église, dit Krakauer, c'est finalement le hall d'hôtel où officie le détective. C'est la messe, c'est-à-dire comment va-t-il réduire le mystère? Comment va-t-il résoudre le mystère? Comment va-t-il propager la lumière, c'est-à-dire dissiper toutes les ombres? Et ça peut faire l'objet d'un culte de la ratio moderne qui calcule tout, qui déduit tout, qui dissipe toutes les ombres. Est-ce que le détective peut être considéré comme un type tel que Kierkegaard en propose la figure du juge, la figure du don Juan, disons, dans le stade esthétique, la figure du juge dans le stade éthique, et puis le religieux, le chevalier de la foi dans le stade religieux. Oui, mais pour autant que ce type est traversé par une dialectique. Il peut se réduire, dans le fond, à légaliser le désordre, à le réagencer, ou au contraire, maintenir cette tension vers une sphère religieuse, supralégale. Et là, on a un détective dans une figure plus positive. Donc je pense que le binôme police-détective est un binôme qui traverse le détective lui-même, qui peut être une forme de policier, au sens où il se rapportera à l'expérience même avec une méthode plus inventive, dans le seul but de tout résoudre, de dissiper toutes les énigmes, ou au contraire, leur donner une forme de vie nouvelle. Mais comment s'articule ce lien avec le théologique? Parce que est-ce qu'on peut aller jusqu'à identifier le détective à une forme de Dieu qui connaîtrait la raison ultime de toute chose? Alors ça, c'est la figure quand même inquiétante que Krakauer fait surgir sous la face du détective. C'est ça la monstruosité possible de nos sociétés. Ce sont des sociétés entièrement réductibles au calcul, où il n'y a plus d'ombre, où il n'y a plus d'insignifiance, où tout est dans le fond soumis aux grilles de l'intellect. Mais ça, c'est l'inverse de la religion. C'est l'inverse de la religion. Oui, mais c'est pour ça qu'il est dans cette tension-là. Et si on dit ratio émancipée, alors on a une ratio émancipée de la chose en soi, de la sphère, dans le fond, qui excède la connaissance possible. Et Krakauer écrit le 30 août 1930 une lettre à Adorno où il dit « Je pense que notre monde könnte bestialisch werden », c'est-à-dire pourrait se barbariser. Et ce qu'il appréhende là, c'est la possible barbarisation du monde par une réduction de la ratio, de la raison à la ratio, mais ce qu'on perd dans cette réduction, c'est toute l'ouverture sur la religiosité, le mystère. Alors oui, à ce moment-là, Kierkegaard est une sorte de figure anti-hegélienne qui introduit de la tension et non de la résolution dans la dialectique. Qui même me suivent, je suis détective. Pendant que je flingue au flash dans les hôtels du port, ma secrétaire se fait les ongles au miroir. C'est pour le fric que je me dépense. C'est diabolique quand on y pense. Je filature, la monnaie sonne. Alimentaire, mon cher Watson. J'en ai marre de faire ce job certains soirs, vraiment marre d'être comme un mégot de cigare, comme ceux qui roulent des trottoirs et qu'on trouve au matin éteint. Quand j'étais flic, j'étais marron. Racket, indique et corruption. Comme un chacal parmi les hyènes. Un type vénal qui a pas eu de veine. Je suis au rancard, j'ai plus la cote. C'est plus moi qui ai les boucs à ma botte. Y'a plus de plaisir sous mon impère. Quand j'étais flic, j'étais couvert. J'en j'en ai marre. De la différence entre le policier et le détective. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h25. Et c'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à la police. Que fait la police? Et aujourd'hui, c'est que fait la police dans les romans policiers, plutôt le sujet de notre émission. Nous parlons du livre de Siegfried Krakauer, le roman policier, qu'on trouve en petite bibliothèque Payot. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Cohen-Halimi, qui est maître de conférences en philosophie à l'Université de Paris-Ouest Nanterre et spécialiste de philosophie allemande. Et Michel Cohen-Halimi, qui a notamment coordonné un dossier consacré à Siegfried Krakauer dans les cahiers philosophiques. Supper retourna à la cuisine, essaya une seconde fois d'ouvrir, mais la porte était bien fermée à clé. Soudain, levant la tête, il renifla, puis appela Jim. « Sentez-vous quelque chose ? » questionna-t-il. Jim hésita quelques secondes. « C'est l'odeur de la cordite ! » s'exclama-t-il enfin. « On a tiré un coup de feu ici, et il n'y a pas longtemps. » « Je me disais bien aussi, constata tranquillement Supper, que je connaissais cette odeur de fer chauffé. La porte est fermée de l'intérieur. » Il revint à la salle à manger. Le portillon du Judas, lui aussi, était fermé à clé. Le détective appela Cardew. « En effet, ce volet ferme, mais je ne sais absolument pas où peut être la clé, et elle est unique. Mais brisez-le. » Un vieil arrache-clou rouillé, bientôt trouvé par Latimer dans le jardin, eut vite eu raison du mince panneau de bois. L'odeur âcre de la cordite se précisa, et Cardew lui-même la remarqua. « Qu'est-ce que cette odeur ? » s'enquit-il. Mais personne ne lui répondit. Supper s'était penché dans l'ouverture du Judas, armé de sa lampe, dont il promenait lentement le faisceau lumineux dans la cuisine. Soudain, le cercle blanc révéla une chaussure pointant vers le plafond, puis une autre, puis le bord d'une jupe noire. Une femme était assise là, par terre, le dos appuyé contre la porte et la tête penchée sur sa poitrine comme un ivrogne. Supper ne pouvait distinguer le visage, mais il savait que cette femme était Anna Shaw, et point ne lui était besoin de voir les taches de sang noir sur le plancher de la cuisine pour comprendre qu'Anna Shaw était morte. Lorsque Krakauer rédige le roman policier, il est en dialogue avec Adorno, qui fait, Adorno lui fait de ce texte qu'on vient d'entendre, qui est d'Edgar Wallace, un extrait de Bigfoot, l'exemple de la médiocrité du genre du roman policier, hein, dans son ouvrage Minima Moralia, puisque le cadavre, et là on l'entend à merveille dans ce texte interprété par Jean-Louis Jacopin, Anna Shaw était morte, et bien voilà, le cadavre devient un simple accessoire où finalement la mort ne veut plus rien dire. Oui, oui, oui, absolument. C'est dans Minima Moralia, l'aphorisme 148. Mais je crois que là, Adorno montre quelle attention il a accordé au travail de Krakauer, parce que dans le livre de Krakauer, il est question du détective roman. Donc on a cette figure médiatrice qui met en tension la dialectique de la raison, qui peut se nier elle-même en ratio et qui pourrait bien, malgré tout, devenir ou rester autre chose que la ratio. Mais il analyse aussi la mutation qu'il anticipe du détective roman en allemand, donc roman du détective, où il y a un détective, une intrigue policière qui est conduite par un détective, en criminal roman. Et là, il anticipe la mutation du genre, où le détective, dans le fond, va bien sûr rester présent, puis finalement va disparaître, dit Krakauer. On aura l'auto-dévoilement du criminel. Alors là, il pense à Dostoïevski, il pense à Crime et Châtiment. Il n'y a pas de détective dans Crime et Châtiment, et ça connaît un immense succès dans l'Allemagne de ces années. Mais ce que je pense, c'est que la mutation du genre est extrêmement importante, parce que si le détective, dans le fond, est simplement au service de cette sorte de liturgie de la ratio, eh bien, il rend tout calculable. On est presque dans la bureaucratisation du crime, par la morphologie catégoriale. Il calcule tout, il déduit tout, mais tout est vide de sens, finalement. Quel est le sens de tout ça? Et du coup, on a aussi une secondarisation de la mort qui devient un accessoire. Et Krakauer dit « Ce devenir morte comédie macabre du roman policier nous annonce la terreur totalitaire. » Et donc quand en 1930, Krakauer dit « J'ai bien peur que notre monde devienne bestialisch, barbare », il faut bien voir à quel point la dimension métaphysique, c'est-à-dire comprendre les mutations de la rationalité moderne à partir des lectures de la critique de la raison pure, est aussi une attention sociologique. C'est-à-dire le sociologue se donne les moyens de sa lucidité. Et ça, c'est très impressionnant, je dois dire, chez Krakauer, qui dans cette période-là, écrit pas de livre. Et c'est d'ailleurs une énigme qu'il renonce à la publication de ce livre, qui est entièrement achevé, et qui écrit des articles dans les journaux. Et on ne sait pas pourquoi il ne le publie pas, il ne s'en explique pas. Non, c'est une énigme. On peut se demander si dans le fond il n'est pas déjà en retard sur la mutation du genre en 1925, Edgar Wallace, et puis le cinéma aussi, qui prend en charge tout l'invention du genre roman policier. Donc ça, c'est une énigme qui reste une énigme. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a chez Krakauer une activité que va saluer Benjamin en disant, voilà, un de nos intellectuels, de nos penseurs éminents qui ont travaillé à la politisation de l'intelligentsia. Politiser l'intelligentsia, ça passe par un choix de publication chez Krakauer dans toute cette période qui est publiée dans la presse, dans la Frankfurter Zeitung, qui est un grand journal libéral qui va rester un des derniers bastions de résistance au nazisme. Et là, il y a un feuilletonisme sociologique, les employés, etc. Donc, il n'y a pas de livre de Krakauer dans cette période, avant, ensuite, Offenbach et Le secret du Second Empire, dans son exil à Paris. Mais il y a une tentative d'alerter l'intelligentsia allemande sur les mutations sociologiques, sociale, politique de l'époque. Donc il y a le roman policier, puis immédiatement après il y a Les employés, 29, où il dit mais il y a une nouvelle catégorie sociale qui quintuple en nombre entre le début du siècle et 1930, ceux qui travaillent dans les bureaux, les employés de bureau. Il faudrait être attentif à cette catégorie-là. Et c'est là que Benjamin lui rend hommage en disant un outsider, certains traduisent un marginal, un outsider se fait remarquer. Et il y a quelque chose dans l'hommage que rend Benjamin au travail de lucidité philosophico-sociologique de Krakauer qui me semble extrêmement important, c'est qu'il le qualifie de chiffonnier. Propre un terme baudelairien. Voilà, exactement, un terme baudelairien important qui définit l'historien, chez celui qui ramasse les rebuts, les indices, les choses insignifiantes, pour essayer de penser le temps présent. Mais un chiffonnier à l'aube du jour. Donc on n'est pas dans cette figure crépusculaire, et je dirais en un certain sens funéraire, de la pratique philosophique qui attend que le jour tombe, que les événements soient passés, pour essayer de comprendre. Il est celui, alors voilà la relève du détective, ou l'équivalent, c'est le chiffonnier, qui ramasse. Et ça, c'est qui ramasse, on a presque dans ce geste la relève de la relève hegélienne, parce qu'il ramasse les rebuts, les petites choses, etc., que la grande processualité dialectique a laissé derrière elle, et il essaie de comprendre au présent le présent de l'époque. Donc détective, je crois qu'en un certain sens, Krakauer l'est, comme sociologue-philosophe, mais alors au sens où il maintient la Spannung, et où la tension, et il ne l'aplatit pas pour la faire devenir une sorte d'intrigue de détente, Entspannung, et au sens où il pense au présent, le présent. Donc c'est pas la chouette de Minerve qui prend son vol au crépuscule, selon la fameuse image de Hegel, c'est-à-dire l'intelligence qui commence philosophique, qui commence à se déployer quand le jour est tombé, mais c'est celui qui, avec ses petits indices, ses traces, ses objets culturels qui disent le monde moderne et le monde social, essaie de comprendre ce qui est en train de se passer au moment où ça se passe. Donc être journaliste, c'est presque être le journalier de cette lucidité-là. Mais c'est pourquoi le texte du roman policier, vous dites que peut-être qu'il ne l'a pas publié parce qu'il sentait qu'il était finalement déjà daté au moment où il a été écrit. Peut-être que la manière la plus pertinente de le lire, ce n'est pas d'en faire une forme de tentative de comprendre l'époque dans laquelle il est, que comme une métaphore de son travail philosophique au sens fort du terme. C'est-à-dire que c'est presque un ouvrage de méthode en réalité. Il faut procéder par un indice et par énigme pour comprendre un texte philosophique, mais aussi pour comprendre le monde lui-même. Vous avez raison. C'est un enfoncement dans une réflexion sur quelle méthode pour quelle lucidité sociologique. La seule analyse qui présente de manière satisfaisante le style du mobilier de la deuxième moitié du 19e siècle se trouve dans une certaine espèce de roman policier, au centre dynamique desquels se trouve la terreur de l'appartement. La disposition des meubles est aussi la topographie des pièges mortels, et l'enfilade des pièces impose à la victime le trajet de sa fuite. Le fait que ce genre de roman policier commence avec Poe, à une époque par conséquent où de telles demeures n'existaient guère, n'est pas une preuve du contraire. Car les grands poètes, sans exception, conjecture dans un monde qui vient après eux. C'est ainsi que les rues de Paris, des poèmes de Baudelaire, n'existèrent pas avant 1900, comme les personnages de Dostoïevski. L'intérieur bourgeois des années 60 à 90, avec ses buffets gigantesques débordant de sculptures sur bois, les angles sans soleil où se tient le palmier, l'encorbellement que retranche la balustrade et les longs corridors avec la flamme chantante du gaz, ne peut abriter convenablement que le cadavre. Sur ce sofa, tante ne peut être qu'assassinée. La luxuriance sans âme du mobilier ne devient confort véritable que devant le cadavre. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. C'est un texte de Walter Benjamin que l'on vient d'entendre, Michel Cohen-Halimi, dans Sens unique, où celui-ci propose cette description d'un intérieur bourgeois comme scène de crime. Et finalement, ce que le roman policier peut-être incarne à la perfection, c'est cette connivence entre l'intérieur bourgeois et la scène de crime. Et c'est là où on voit qu'il y a une véritable un positionnement à l'égard de la société dans laquelle vit Benjamin et vit Krakauer au moment où il écrit son texte. Oui, vous avez raison, mais là, il y a toute une constellation étonnante. C'est un texte de sens unique et Edgar Poe, qui est finalement l'inventeur du roman policier, de l'intrigue policière. On dit en général que le double assassinat dans la rue Morgue est le texte inaugural de l'invention du genre, même si le terme de détective lui-même ne surgit qu'après, en 43, puisque Scotland Yard invente un detective department, donc une unité de police nouvelle, et le terme rentre. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on rentre, alors avec Edgar Poe, qui est aussi quand même un philosophe, qui pense la philosophie de l'ameublement, qui est traduit par Baudelaire, hein, que Benjamin, évidemment, lit avec attention. On a toute une constellation qui est une constellation qui réfléchit, dans le fond, sur les mutations et surtout la genèse même de notre modernité rationnelle. Et là, il faut y entendre, pour le coup, une dénonciation, au sens du terme. Là, pour le coup, c'est pas une illustration d'une méthode philosophique. Il y a vraiment une critique très forte. Non, bien sûr. Mais là, bourgeois est presque à entendre au sens hegélien, c'est-à-dire, dans le fond, celui qui est dans une société qui n'a pas trouvé encore son unité et puis qui peut-être ne la trouvera pas. C'est le temps politique de la déliaison, de l'atomisation. Et il y a un chapitre du roman policier, d'ailleurs, auquel Krakauer tient tellement qu'il va finalement le publier. Le livre n'est pas publié, mais ce chapitre-là est publié. C'est le hall d'hôtel, qui est véritablement l'allégorie sociale et politique de ce que nous donne à lire le roman policier, c'est-à-dire l'état d'une société où les gens se croient, s'assiedent, ne parlent pas, ne se rencontrent pas, et où le détective ramasse des indices, observe un peu à l'écart et essaie de résoudre l'énigme. Et ce hall d'hôtel est comparé à une église. C'est là où on retrouve la dimension théologique finalement. Oui, c'est ça, il y a une liturgie. L'image de la communion, c'est ça, des voilà, personnes. Voilà, il y a une liturgie de la ratio, mais qui peut ouvrir aussi la perspective d'une autre communauté qui retrouverait le lien avec le mystère, l'énigme, l'inconnu, l'au-delà de cette expérience possible, totalement recouverte par les grilles d'intelligence de l'entendement, en régime kantien, on peut dire. Et où Krakauer situe-t-il cet inconnu, cet absolu même, qu'il semble traquer dans chaque détail et chaque indice qui s'offre à lui? Mais c'est là la figure du chiffonnier, c'est les indices, l'insignifiance, les rebuts. Oui, mais chez Krakauer, il y a une forme de désir aussi d'atteindre à une forme d'absolu, à un au-delà. Oui, bien sûr, ça c'est la dimension théologie existentielle. Ouais. Mais c'est pas non plus dans Dieu, pour lui l'absolu n'est pas forcément divin, n'est pas forcément religieux. Non, il n'est pas religieux, mais la religion et cette théologie existentielle, lui permet d'articuler l'importance de cette tension-là. Mais il ne faut pas l'investir d'un sens religieux précis. C'est ça, c'est uniquement, là pour le coup on retrouve presque une méthode philosophique, c'est qu'il faut postuler l'existence, à la manière kantienne d'ailleurs, postuler l'existence d'un absolu sans jamais pouvoir y l'atteindre. Sans vouloir le connaître, la chose en soi a comme traduction le noumen, qui est une sorte de concept limitatif qui dit il y a un au-delà, mais vous ne pouvez pas le connaître. Donc réarticuler dans le fond nos intelligences à cette limite-là, c'est pour Krakauer, traduit en termes kierkegaardiens, avec la tension des trois sphères. Et le détective peut à la fois rabattre, dans le fond, sur la sphère de l'expérience ratissée, quadrillée par l'intelligence, être une sorte de détective de la ratio émancipée, ou alors il peut au contraire ouvrir une tension vers un inconnu qui trouve toute sa force, toute son intensité, et qui n'est pas entièrement réductible au calcul. If you don't listen to me now, you'll be guilty of the second murder. Second murder? So you know there has been one? Yeah. If you'll only listen to me, I'll explain. Very well. Tell us what you know. There were two women in this room. The only door was locked and bolted. Everybody heard screams and the sound of a terrible struggle. Within 2 minutes, the door was broken down. No one was here. One of those women was carried away. I tell you, the other one was murdered, and her body must be somewhere in this room. Mother. Young man, you know too much. I arrest you for the murder. Yes, and another murder may be happening now. The confession you wish to make? No, an accusation. Dr. Miracle, in the Rue Morgue, is guilty of 4 murders so far this week, and by now perhaps a 5th. Do you accuse this doctor? Dr. Miracle has a captive ape. It committed this crime. No one man could have done this. 3 men couldn't have pushed that body up the chimney. I tell you, that ape killed her and carried her daughter off through the window. You're insane. Come on. Wait! Here is proof. That is not human. It's the hair of an ape. Oh, ape! Follow us. Yes, now we know. It is dead. Pendant des années, tous les samedis, régulièrement, nous avons lu ensemble la critique de la raison pure. Je n'exagère pas le moins du monde en affirmant que je dois plus à cette lecture qu'à mes maîtres universitaires. Doué de qualités pédagogiques exceptionnelles, il m'a fait entendre la voix de Kant. Dès le début, j'ai appris sous sa conduite que cette œuvre n'était pas une simple théorie de la connaissance, une analyse des conditions du jugement valable dans les sciences, mais une sorte d'écriture codée où l'on pouvait déchiffrer la situation historique de l'esprit avec le vague espoir d'y trouver quelque chose de la vérité. Il ne me présentait pas la critique de la raison simplement comme le système de l'idéalisme transcendantal. Au contraire, il me montrait comment les moments objectifs et ontologiques y affrontent les moments subjectifs et idéalistes. Comment les passages les plus éloquents de l'œuvre sont les blessures que ce conflit a infligées à la théorie. D'un certain point de vue, les failles d'une philosophie sont plus essentielles que la continuité du sens que la plupart des gens soulignent d'eux-mêmes. Cet intérêt nouveau que Krakauer partagea vers 1920 partait en guerre avec l'ontologie pour devise, contre le subjectivisme épistémocritique d'un systématisme forcené. Je découvris que de toutes les tensions qui animent la philosophie, la tension centrale est peut-être celle entre l'expression et la nécessité logique. Quand on entend à la suite un extrait du double assassinat de la rue Morgue, donc d'Edgar Allan Poe, un extrait en anglais, je m'en excuse auprès des auditeurs non anglophones, l'extrait est assez clair, mais enfin bon, même quand on connaît l'intrigue de Poe, mais enfin c'est vrai qu'on perd peut-être la saveur de l'extrait lorsqu'il est en une langue qui n'est pas forcément comprise de tous. Et l'extrait que je viens de lire d'Adorno qui raconte les séances de lecture de la critique de la raison pure avec Krakauer et celui-ci lui ayant appris une nouvelle façon de lire le texte est assez intriguant parce que c'est une hypothèse que vous formulez, Michel Connalimi, dans un article que l'on trouve de vous en ligne sur Cairn, donc sur la métaphysique du roman policier, où finalement vous dites qu'on pourrait lire la critique de la raison pure comme un roman policier qui a, comme l'intrigue de Poe elle-même, 2 meurtres dans la critique de la raison pure. Quels sont-ils ? Oui, c'est vrai. On pourrait inverser finalement notre discussion et dire la métaphysique sert l'élaboration d'une lucidité sociologique. Mais inversement, dans la métaphysique, en effet, il y a des crimes, il y a des meurtres, il y a des intrigues. Et cette manière de lire les textes va être extraordinaire pour Adorno. Et pas seulement pour Adorno. Mais cette scène primitive, j'y reviens un instant, il faut s'imaginer qu'Adorno a 14 ans, il est lycéen, 15 ans, il est lycéen, c'est fin 1918. Et Krakauer, qui a quand même 14 ans de plus que lui, a 29 ans. Et cette séance de lecture tous les samedis va être la vraie formation à la lecture des textes de philosophie comme des lieux de tension où s'expriment, où se donnent à lire les signes d'une époque. Ça, c'est le hegelianisme traversé par le roman policier. Alors, les deux meurtres, vous me demandez où sont les deux meurtres. Moi, j'ai formulé une hypothèse. Je ne sais pas s'il y a une réponse définitive. Mon hypothèse, elle est double. C'est que il y a cette pièce de texte fondamentale qui est le partage de tous les objets, la division de tous les objets dans la critique de la raison pure. La division de tous les objets en phénomènes et choses en soi. Donc c'est précisément cette limite dont on parlait tout à l'heure et qui peut être le lieu d'une dialectique et d'une tension de la raison, qui à la fois sait qu'elle ne peut pas connaître, qu'il y a un au-delà qui est pensable et qu'il faut tenir. C'est le régulateur, c'est l'avenir de la métaphysique. Et si on y renonce, alors on est dans la réduction de la raison à la ratio. Donc cette pièce de texte, un commentateur génial de Kant, que moi j'admire par-dessus tout, qui est Gérard Lebrun, a commenté cette pièce de texte sans connaître sans doute Krakauer, je ne sais pas, mais en tout cas il le cite pas. Et il dit, on a un malaise un peu comme un détective qui revient sur les lieux d'un crime et qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette pièce de texte? Il y a quelque chose qui s'assombrit, on renonce à une dimension dans le fond de la pensée, au sens où on dit, là je ne peux plus connaître. Il se passe quelque chose d'étonnant. On est sur une frontière qui nous met mal à l'aise. Le deuxième passage, c'est, je pense, alors ça c'est mon hypothèse, je pense peut-être la plus forte, c'est qu'il y a un sujet qui meurt. Il y a un sujet qui meurt dans la critique de la raison pure, c'est bien évidemment... Le jeu comme substance. Le jeu qui est désontologisé, le jeu de la pensée désontologisé, désubstantialisé, qui est une sorte d'instance synthétique et logique qui porte toute la table des catégories des jugements. Et Kant revient dans la deuxième édition de la critique de la raison pure et dans une longue note dans les paralogismes de la psychologie rationnelle se dit « Je vais quand même dire, et il dit ceci, je pense est une proposition existentielle. » Mais alors de quelle existence parlons-nous ? Si ça n'est pas de l'existence des objets. Donc il réserve une forme d'existence non ordonnée à la temporalité phénoménale, ni à la spatialité phénoménale, une existence au jeu pensant, dont on ne sait pas quelle elle est, mais comme s'il réservait quand même... Le criminel revient et finalement se dit « Non, je vais laisser en vie ce sujet-là, mais une vie dont on ne peut rien dire. » Lire la critique de la raison pure comme un roman policier, c'est un projet absolument exaltant auquel je souscris totalement et je vous propose de revenir en parler un peu plus tard. Grand merci à vous, Michel Cohen-Halimi, d'être venu nous parler merci du roman policier de Krakauer. Le rendez-vous est pris, donc vous reviendrez nous parler de la critique de la raison pure qu'on peut lire comme un roman policier avec une loupe dans la main. On prendra date, mais les auditeurs vous retrouveront très bientôt. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université de Paris-Ouest Nanterre et que vous avez coordonné notamment un dossier des cahiers philosophiques numéro 143 consacré à Siegfried Krakauer. On mettra les références en ligne, ainsi que celle du texte de Krakauer dont nous parlions aujourd'hui, le roman policier, disponible en petite bibliothèque Payot. Psycho Killers, The Talking Heads sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous proposez votre anti-manuel de philosophie aujourd'hui sur la fragilité. Et oui, mine de rien, la fragilité s'est installée dans le paysage mi-philosophique, mi-développement personnel. Pour preuve, le dernier ouvrage du philosophe Jean-Louis Chrétien paru en 2017, sobrement intitulé Fragilité, et c'est très érudit allant des Grecs à Kant, ou la sortie l'année dernière de L'art d'être fragile d'Alessandro d'Avenia, best-seller en Italie, qui prône une ouverture aux accidents de la vie. J'en veux pour preuve aussi le succès d'une conférence régulièrement republié sur le site de France Culture, pourquoi il faut voir la fragilité comme une force, sans parler bien sûr de tous les articles ou dossiers nous encourageant à ne pas la refouler, notre fragilité. Il ne m'en fallait pas plus pour voir dans cette convergence une nouvelle injonction, celle à cultiver l'envers soi-disant lucide de notre univers pourri par la compétition. Fragile, tendre, rebelle et insoumise, comme une fleur sur la banquise, douloureuse à la moindre brise, quand le froid souffle sur ton cœur. Perdu, je te regarde qui avance. Faiblesse, inconstance, inconsistance, même débilité, ce sont quelques-uns des synonymes fort sympathiques de la fragilité. A priori, rien ne donne envie, en tout cas rien ne me donne envie de la laisser advenir, voire d'en faire un art. Pourquoi alors ce succès de la fragilité? Pourquoi est-elle tant séduisante? Qui veut devenir inconstant, inconsistant, faible et débile? Eh bien, comme pour la mode, il faut décrypter la tendance, et comme d'habitude, ce n'est qu'une histoire d'inversion, de positif et de négatif, d'aller et retour. L'époque étant à la compétition, à la concurrence, au capitalisme fort et féroce, il faut forcément jouer le jeu de la contradiction et de la pseudo-distance critique. Il nous faut forcément valoriser son contraire, la fragilité. Mais je le demande, qui veut ou peut faire le choix de la fragilité? Alors je ne vais pas tomber dans la critique marxiste, ce sont au fond les plus forts qui peuvent se permettre d'être fragiles de temps en temps, car ils sauront s'en relever, mais elle reste pertinente. Ce qui m'interpelle plutôt, c'est ce paradoxe d'une existence fragile. Comment persister dans l'existence tout en étant affaibli? Et inversement, que reste-t-il de la fragilité quand on résiste, quand on fait donc preuve de force malgré tout? Cette prise de conscience de notre fragilité est salutaire. Elle va nous permettre de repartir plus lucide, d'avancer même blessé. Car notre lucidité a besoin de l'adversité, comme elle a besoin d'intériorité. Et fragile, ce qui a la disposition de se briser facilement. La fragilité n'est pas que circonstancielle, mais carrément une propriété que, de fait, partagent tous les êtres vivants, condamnés à mourir. On est alors en droit de se demander pourquoi la cultiver si elle est déjà donnée. Et même plus, on est triplement en droit de se le demander. Car déjà, je le rappelle, c'est une disposition repoussoire, personne n'a envie d'être faible. Car ensuite, personne ne peut favoriser l'accident ou la mort. Et enfin, car très littéralement, personne ne peut amplifier ce qui est précisément inamplifiable. En fait, l'art de la fragilité a quelque chose de profondément contre-productif. Il s'agit de ne rien faire. Soit d'assister stoïque au coup du sort, soit de s'y ouvrir avec enthousiasme. Au final, c'est un éloge forcé de notre condition passive. Alors bien sûr, je vois déjà les objections. Je ne verrai pas la vertu de la fragilité, trop pétrie que je suis par ces idées de productivité et d'efficacité. Eh bien, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est ceux qui défendent la fragilité qui sont trop pétris par ces idées d'efficacité. Car au fond, cet éloge de la fragilité n'est qu'une conversion. Donnez-moi de la boue, j'en ferai de l'or. Traduisez-le, donnez-moi de la fragilité, j'en ferai une force. Je suis Léa Salamé et je vous propose une série d'été, une rencontre avec des femmes puissantes. Pourquoi femmes puissantes? D'abord parce que ce sont deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit des femmes qu'elles sont belles, douces, charmantes, délicieuses, parfois méchantes, parfois manipulatrices, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et bien cet été, je vous propose de rencontrer 9 femmes puissantes. Vous avez remarqué, c'est le nouveau terme à la mode, puissant. Depuis le roman de Marie Ndiaye, les femmes sont puissantes, un récit est puissant, une rencontre est puissante, un café est puissant, j'en parlerai plus précisément une autre fois, mais j'y vois exactement cette même occultation de la force pour un terme plus vendeur, mais qui veut dire exactement la même chose. Et puissant, celui qui est fort potentiellement. Et fragile, celui qui résiste, qui est donc fort, mais sans le manifester. Pourquoi donc ne pas assumer que la fragilité aujourd'hui prônée n'est qu'un simulacre, une vertu bien commode pour les forts qui n'assument pas de l'être? Merci beaucoup Géraldine et merci d'assumer votre force tous les matins à ce micro. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Fragile, tendre, rebelle et insoumise. Comme une fleur sur la banquise, douloureuse à la moindre brise, quand le froid souffle sur ton cœur. Perdu, je te regarde qui avance, les bras chargés de lourd silence, entre la crainte et l'espérance, l'incertitude et la douleur. J'écoute, sous les mots qu'on se dit tout bas, j'entends ce que tu ne dis pas, et qui se lisent quelquefois dans tes yeux qui ne pleurent pas. J'espère, loin des nuages qui te hantent, bulle de verre dans ta tourmente, à nouveau claire et transparente, quand tu souris comme autrefois. Tu changes, et pourtant tu restes la même. Tu ressembles aux fleurs que tu sèmes, dans les yeux de ceux que tu aimes, d'un amour fidèle à ton cœur. Ton âme, pétrie de larmes et de rires, qui ne sait plus croire qu'au pire, même quand tout semble nous dire que l'avenir tourne au meilleur. Secrète, même au plus fort de la tempête, sous le tumulte dans ta tête, tu trouves encore un air de fête pour résister au vent qui mord. Blessé, je voudrais tant pouvoir t'aider, t'ouvrir les bras, trouver les clés pour tout guérir, tout démêler, te rassurer quand tu t'endors. Te suivre, être présent à tes côtés, comme un phare sur la jetée, un repère pour te guider, entre les peurs et les dangers. Pourtant, je ne peux que te regarder, sortir de l'eau et replonger au plus profond de tes pensées, être père et t'accompagner. Fragile, tendre, rebelle et insoumise, comme une fleur sur la banquise, courageuse à la moindre brise, et quand le froid souffle plus fort. T'aimer, comme on aime un enfant qui dort, être une amarre dans tous tes ports, sans pour autant monter à bord. T'aimer toute voile dehors. Fragile, c'est Yves Duteil qui le chante sur France Culture. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'avait aidé à préparer cette émission. Ariane Mintz, Antoine Ravon, Pierre Brossard, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard à la réalisation. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série sur la police. Après le roman policier aujourd'hui, demain ce sera la police sous le regard pascalien. Blaise Pascal se demande si la force peut être juste et ce sera Laurent Tirouin qui viendra vous en parler. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.